Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous poursuivons cette émission spéciale Sentinelle Nord. Nous sommes maintenant en compagnie de Martine Lizotte, qui est professionnelle de recherche à la Faculté des sciences et génie et qui participe au projet BOND. Elle va nous dire ce que c'est, un projet qui consiste à développer des capteurs pour suivre les gaz climatiques actiques dans l'Arctique. C'est dur à dire, climatique actique dans l'Arctique. Bonjour Madame Lizotte. Bonjour. Alors quand on pense changement climatique dans le Nord, on pense souvent au pergélisol qui dégèle et au méthane qui pourrait s'en échapper. Est-ce que le méthane, c'est ce qu'on appelle un gaz climatiquement actif? En effet, le méthane est un gaz qui a un effet climatique sur l'atmosphère. Donc lorsque le méthane est transféré vers l'atmosphère, il va absorber le rayonnement infrarouge, mm-hmm. ou en d'autres mots, la chaleur qui est émise par la surface de la Terre. Donc ce faisant, il va réchauffer l'atmosphère. En Arctique, le méthane va être relargué de là où il est stocké, par exemple le pergélisol que vous avez mentionné, mais aussi les hydrates de méthane qui se trouvent au fond des océans. Mm-hmm. Donc, le méthane, ça s'est émis suite à la méthanogenèse, qui est un processus de décomposition de la matière organique par les bactéries. Mm-hmm. Donc là, il y a le méthane, on connaît, j'imagine, le CO2, c'est toujours de lui dont on entend parler, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des gaz climatiquement actifs dans l'Arctique? Oui, en effet, il y a deux grandes catégories de gaz climatiquement actifs. La première catégorie, ce sont les gaz à effet de serre. Donc, il y a un effet de réchauffement sur l'atmosphère. Le méthane et le dioxyde de carbone en font partie. Il existe également l'oxyde nitreux. Donc, le méthane et l'oxyde nitreux, bien qu'ils soient moins abondants dans l'atmosphère, ils ont un potentiel de réchauffement global très élevé, ce qui fait que même de petites augmentations de leur concentration dans l'atmosphère peut avoir un impact significatif sur le climat. Mm-hmm. La deuxième catégorie de gaz climatiquement actifs, ce sont les gaz à effet ombrelle, donc des gaz qui ont un effet refroidissant sur le climat. Je ne savais pas que ça existait. Oui, ouais. En effet. Et à l'intérieur, au sein du projet BOND, on s'intéresse particulièrement au diméthylsulfure, qui est un gaz d'origine biogénique, c'est-à-dire qui est produit par les micro-organismes mm-hmm. dans les océans. Donc, c'est un gaz qui est produit naturellement dans tous les océans, même l'océan Arctique. Mm-hmm. Et donc, le projet BOND, on lui met BOND, B-O-N-D. Pourquoi? Ça veut dire quoi? BOND, c'est l'acronyme pour Beacons of Northern Dynamics. Donc, c'est un projet qui développe des sentinelles pour faire le suivi des gaz à effet D'accord. de serre, donc la dynamique de ces gaz à effet de serre dans le Nord. D'accord. Alors, j'imagine que c'est en relation avec toute l'expertise optique photonique de l'Université Laval. Donc, on fait comment pour suivre l'émission, les flux et reflux de ces gaz dans l'Arctique? Alors, BOND vise à développer des capteurs optiques qui sont basés sur une technologie tout à fait innovante qui est en développement en ce moment par les chercheurs du Centre d'optique photonique et laser de l'Université Laval, en partenariat avec des chimistes du département de biologie, ainsi que des limnologistes, des océanographes de l'Université Laval. Et donc, ces capteurs-là vont nous permettre de faire le suivi en temps réel de ces gaz-là à une haute résolution spatiale et temporelle, ce qui va nous permettre d'établir des patrons de distribution de ces gaz-là à leur site d'origine, donc que ce soit dans les environnements terrestres, dans les environnements lacustres ou océaniques. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a des patrons de distribution, ça nous permet de prévoir des tendances à long terme de ces gaz-là et éventuellement, avec des outils comme la modélisation, nous permettre de mieux prévoir ce qui s'en vient et comment ça va changer dans le futur en fonction des changements climatiques à venir. Mais on les met où, ces capteurs? On les met partout? En fait, oui, on a dans la stratégie de BOND plusieurs plateformes. Donc, à l'Amundsen, qui est le navire de la garde côtière Amundsen, qui est une plateforme privilégiée pour déployer ces capteurs-là. Donc, au niveau du suivi océanique et atmosphérique, on a l'opportunité à chaque année de profiter des installations de l'Amundsen pour installer ces capteurs. Mais également, par exemple, votre prochain invité, Michel Allard, qui va souvent dans l'article et qui, par exemple, peut s'intéresser à installer des capteurs au-dessus d'une mare de thermokarst, par exemple, ou dans un pergélisol. Donc, on peut les installer à plusieurs endroits. Parce que pour avoir un portrait, je ne me souviens plus le terme que vous avez utilisé, le profil, le portrait de, un patron distribution, il faut en mettre à plusieurs endroits quand même, c'est ça. Voilà. Donc, il faut en mettre. Puis, on ne peut pas aller partout non plus. Donc, j'imagine que ça va être plus du côté des communautés, peut-être là où on va, plutôt que dans le milieu de rien du tout. Oui, bien, on va pas bâtir à partir de rien, on bâtit à partir de ce qui est déjà présent. Donc, les infrastructures, par exemple, du Centre d'études nordiques représentent des bonnes opportunités pour déployer ces capteurs-là. Donc, le Centre d'études nordiques a toute une panoplie d'installations à travers différents... Il y a déjà un réseau avec des appareils de mesure. Oui, exactement. D'accord. Des infrastructures qui sont déjà présentes. D'accord, d'accord. Et pour ce qui est des gaz, parce que les gaz, des fois, c'est léger, ça s'envole dans l'atmosphère. Donc, vous allez les regarder dans l'atmosphère au niveau du sol, plus haut? Ce qui nous intéresse, ce sont vraiment les flux, les émissions de ces gaz-là. D'accord. Près de leur site d'origine, donc que ce soit au-dessus des océans, donc à la fois dans l'atmosphère au-dessus des sites d'origine, mais aussi, c'est très important, c'est crucial de mesurer ces gaz climatiquement actifs aux endroits où ils sont produits. C'est ça, on veut voir finalement si ils sont produits de plus en plus, avec le dégel peut-être du pergélisol. Exactement, comment les changements climatiques vont affecter leur dynamique. Ouais. Est-ce que ça peut permettre, donc ensuite j'imagine qu'il va y avoir des mesures dans le temps aussi, ça n'est pas fixe à un moment donné, donc mesures dans le temps pour voir comment ces patrons se évoluent dans le temps et voir si ces gaz se distribuent ailleurs. Tout à fait, c'est un point super important et crucial de notre recherche, de pouvoir assurer une pérennité dans les mesures. Ça nous permet non seulement d'étudier les géosystèmes, leur production de ces gaz-là, les interactions possibles entre les différentes variables du géosystème, les rétroactions potentielles aussi qu'il peut y avoir. Donc, c'est très important d'assurer cette pérennité-là parce que justement, elle va nous permettre d'établir des patrons, d'observer des patrons à long terme, mieux prédire l'avenir et le potentiel de modifications profondes que le cycle de ces gaz climatiquement actifs peuvent subir avec les changements climatiques à venir. Et est-ce que les observations vont permettre de voir si ces gaz se déplacent ailleurs à la surface de la Terre? En fait, c'est des mesures qui sont plus ponctuelles, sauf que à l'aide des outils comme la modélisation, maintenant ces outils-là sont très très puissants pour nous permettre de mieux appréhender, par exemple les ratios de mélange de ces gaz dans l'atmosphère. Donc nous, ce qu'on vise à faire, c'est de fournir des mesures à ces modélisateurs-là qui, par la suite, eux peuvent établir des patrons de distribution dans l'atmosphère. Donc là, il va y avoir des capteurs qui vont être positionnés à différents endroits. Comment les mesures sont relayées? Parce que pour les capteurs qui vont être à bord de la Nunsen, bon, je peux comprendre. Est-ce que ça demande que quelqu'un soit sur place pour les lire ou est-ce que les données vont être relayées ici à l'Université Laval? Ça va dépendre des capteurs qu'on réussit à fabriquer. C'est certain, par exemple, que vous mentionnez les capteurs qui vont être à bord de la Munson. Nos équipes sont à bord, donc on peut s'assurer. Là, on est vraiment à la phase de développement, donc on est à la phase de les construire, de tester, de les tester sur le terrain éventuellement. Donc ça sera une étape qui est à venir. Mais ça, c'est pour ceux qui sont à bord de la Nunsen, mais ceux qui sont sur le terrain, donc on va pas aller faire des mesures toutes les semaines. Oui, l'idéal, c'est de pouvoir les laisser sur place. C'est un défi de taille parce que c'est un environnement qui est extrême, la nature extrême de ce milieu-là, le fait que c'est froid, que c'est région éloignée, qu'il y a la nuit polaire, fait en sorte que ça représente un défi de taille de fabriquer des outils, des capteurs qui vont être autonomes, qui vont être résistants. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir laisser ces capteurs sur place et éventuellement voir comment on peut récupérer la donnée, soit en temps réel ou tout simplement après une année, le système. Le système enregistre les données, puis on vient les récupérer à l'été. Oui. Comment, peut-être question plus technique, en fait, est-ce que ça va être les mêmes capteurs pour mesurer les gaz, pour observer les gaz qui sont dans l'atmosphère et ceux qui sont juste plus dans différents milieux? Ouais. Il y a différentes stratégies au sein de notre groupe. Alors, pour ce qui est des capteurs pour les gaz dans l'atmosphère, on va se pencher sur deux stratégies qui sont, elles, vraiment optiques. Donc, on va utiliser des lasers, des supercontinuums. Je n'irai pas nécessairement dans le détail parce que je ne suis pas experte dans le domaine. Mais donc là, on va vraiment travailler au niveau des lasers pour faire des mesures en continu des gaz climatiquement actifs dans l'atmosphère. Puis au niveau des gaz plus aquatiques ou en milieu terrestre, là, on va développer une stratégie d'optode. Donc, on va développer des complexes moléculaires fluorescents qui vont être dotés de molécules spécifiques aux analytes d'intérêt, donc qui réagissent d'accord, exactement à la rencontre du gaz. OK, donc ça réagit à la rencontre du gaz, ça prend une couleur plus intense qui est mesurée, et l'intensité de la mesure. Voilà, va émettre soit une lumière ou prendre une couleur, et cette... L'intensité de la lumière va être traduite par un signal analogue. Et vous, hein, Mme Lizotte, donc dans ce projet-là, vous faites quoi? Mais moi, j'ai deux chapeaux, donc j'assure une partie de la coordination du projet. Donc, il y a 10 chercheurs. Il y a deux chercheurs principaux, Réal Valli du Centre optique de photonique laser de l'Université Laval et Guillaume Massé, qui fait partie de l'UMI TACUVIC, l'Unité mixte internationale TACUVIC, océanographe. Et donc, au total, il y a 10 chercheurs qui sont répartis dans différents départements, que ce soit le COPL, optique photonique, chimie, biologie, sans études nordiques. Donc, j'assure cette part de coordination, organiser des rencontres, s'assurer que tous les gens se parlent. Et je participe moi-même à un des volets. Donc là, on revient tout juste de 6 semaines à bord de l'Amundsen, où on a testé un de nos appareils pendant la mission à travers le passage du Nord-Ouest sur l'Amundsen. Eh bien, on va vous souhaiter de bien poursuivre toutes ces études, de réussir à coordonner tout ce monde-là. Est-ce que vous avez aimé votre passage sur l'Amundsen? Ah oui, c'est du travail, mais ça doit quand même être assez saisissant. L'article, c'est merveilleux, puis il y a un réel besoin, une réelle urgence de faire les mesures, parce que l'article est en profonde mutation et on le voit, après 5 ans, on peut déjà voir... Ah, c'est vrai? Alors, on va vous souhaiter bonne chance dans tout ce projet de recherche, Madame Lizotte. Puis je rappelle que nous étions donc en compagnie de Martine Lizotte, professionnelle de recherche à la Faculté des sciences et génie. On vient de voir les changements climatiques perturbent les échanges gazeux dans les écosystèmes et on peut donc s'attendre à des conséquences sur la vie dans ces écosystèmes. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec le professeur Michel Allard. Ils nous parleront aussi du suivi des infrastructures. On va voir tout ça après la pause publicitaire sur CKRL au 89.1.